France extrême, par Clarisse Andre. Au son des godillots et gros sabots, noir cauchemar, scénario de chaos, froid dans le dos, espoir chaos et cœur gros. Muets sont les mots, écrasés par la terreur des fléaux et le fardeau de leurs mots. Silence radio, tirez les rideaux. Où sont les héros, les oraux? Ne reste que les oseaux des réseaux, les blaireaux 2.0. Pas de veto posé aux troupeaux de bourrins, de panurges, les muets sereins au vin. Hébété, nul ne s'insurge, pourtant ça urge. Livré à ses passions, dissensions et divisions, l'opinion publique, sans raison ni solution, captive d'idées insipides, fétides ou iniques, d'espoir faussement onirique ou idyllique, à toute sagesse rétive, éperdue et sans vertu, tient pignon sur rue, des trottoirs à l'isoloir, ces deux défouloirs. Malgré de bonnes volontés, des révoltes avouées, des refus assumés, les jeux semblent faits. Imposés par le sort, la fatalité, par la facilité, la médiocrité, l'insoutenable légèreté, inconcevable et infernal final annoncé, au choix de devoir renoncer, au seul duel être condamné, la peste ou le choléra. Dans les deux cas, le trépas. De nos vies à vie, il fait bien peu de cas. Pris en otage par les faux sages, les faussaires, du bonheur, les fossoyeurs, de la peur, les pourvoyeurs, du malheur, les acteurs, les émissaires. Les extrêmes, sans problème ni dilemme. Pas quand liberté, justice et paix pour tous en aime. Extrême droite, extrême, mot maudit, défiance, détresse. Extrême gauche, extrême, mot poli, confiance, jolie promesse. Jugement à l'emporte-pièce, méconnaissance infinie qui progresse et professe, ignorance crasse pour la démocratie, véritable menace, erreur tenace, parti pris coriace sans doute ni souci, le prix de l'oubli. Lourd comme une masse impossible à éviter, sur nous telle une nasse, le piège s'est refermé. Plus de dialogue, juste des monologues ou diatribes de démagogues. Les uns contre les autres nous dresser, des ennemis nous désigner, nous diviser pour mieux régner. Pour la tolérance, la bienveillance, la tempérance, la solidarité, plus de place. Mon sang se glace, l'espérance s'efface. Notre classe politique brique fort, mandat et siège, mais à ses principes infidèles et sacrilèges, sous les falbalayeurs de la République, depuis longtemps se désagrège. Toujours aussi peu vertueuse et courageuse, souvent hideuse et cependant jamais honteuse. Dans l'impasse et moribonde, elle offre au monde un tableau pathétique et immonde. Des secrets cénacles à la scène médiatique, les jeux du cirque. Affligeant spectacle qui jamais n'atteindra le pinacle. Des nobles valeurs, des chevaliers sans peur, de l'honneur et la grandeur, l'amère et tragique débâcle. Liberté, égalité, fraternité, notre laïc credo, menacé par le manque de capitaux, les troubles internationaux, les enjeux environnementaux, finalement anéanti par la guerre des égaux de Fallot, mégalos et ballots montés sur ergo, par les ribauds immoraux, incompétents et indignes, qui, se souciant de nous comme d'une guigne, nous mènent sciemment en bateau. Au fond de l'arène, de l'abîme, le pays des Lumières autrefois sublime, joue sa partition dernière, sa partie ultime, avant le grand saut dans le chaos, le retour au point zéro. Espoir contraire bien pâle. Échaudé, trompé, dégoûté, déboussolé, survolté ou anesthésié, de contradictoires infos prisonniers, de démagogies entourloupées, nos cerveaux penauds seront-ils capables, dans le salut, de croire à nouveau, et dans un dernier sursaut, de raison retrouvée? De l'histoire, évitons les tristes redites, que la France, pays pépite, qui trop périclite, ne devienne pas une nation maudite, en proie à toutes les vindictes. La colère est mauvaise conseillère, que ceux qui édictent, méditent. Le respect, la confiance et l'adhésion se méritent. L'heure de vérité va bientôt sonner. Le tocsin pour certains, pour tous, le déclin. amorcée depuis des décennies, fruit de la politicienne incurie, minant notre démocratie aujourd'hui décatie. Démunis face au défi, atterrés ou réjouis, de cette épreuve nous ne sortirons pas grandis, mais affaiblis, car toujours plus désunis. Quel avenir pour un pays, une patrie, constituée de frères et sœurs ennemis, de peur et rancœur nourris. À cette question de nouveau je frémis. Pas besoin d'être devin ni très malin, pour imaginer des lendemains des fois sans fin, de froid, de soif, de faim. Demain ou bientôt s'abattra la faux, du mal frappera le sceau. Le destin, à venir dans le dos, le rétro, gravé au couteau sur l'épaule, les écriteaux, ne fera pas de cadeau. Drapés dans leurs drapeaux, leurs oripeaux, les idéaux nobles et beaux, devenus faux et sots, resteront sur le carreau, oubliés dans les cachots, ou enterrés dans les caveaux. Clarissandre, le 23 juin 2024.